Ti ménage, vivre les marées claires. On va rester bon, ben suivi, c'est ça qui fait que moi pas j'en content. Moi gagne un petit ménage, vivre les marées claires. On va rester bon, ben suivi, c'est ça qui fait que moi pas j'en content. Ménage la belle en forme. La lave marche dans la rue, mon capable cadeau bébé caboulé. Monsieur Fanta Wessa, ménage la belle en forme. La lave marche dans la rue, mon capable cadeau bébé caboulé. Maman, ton vieux mon qui gagne mauvais manière. Moi, pas faire confiance, il retourne, c'est la mer. Quand mon remet du tabac, quand mon remet du café. Quand mon rêve est mon pédel, n'a pas chargé pour la planète. Marie Clagéry, aux gens qu'on aime, mon rêve. La chef est que contagie. Aïe, Marie, tout la Marie. La chef est que contagie. Marie, tout la Marie. La chef est que contagie. Marie, tout la Marie. La chef est que contagie. S'il a fouillé dans le côté du bonhomme, regardez. Qui parle ça? Il y a des petits pas chers, vous dites. Il manque manquer deux petits dans le vent. Regardez, grand monde. Regardez, non? Grand monde, on a un charge avec douleur. Rien ou pas bon. Moi, j'ai un petit boléo pour. Un petit bagage douce qui peut permettre de vaciller tes cadavres. Vous comprenez moins? Kadonko, absurdité, l'inconduite, absurdité, mais l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite. regardez non, grand bagage qui boit jouer là. Regardez non, c'est mettre comme sur côté ou tandis pas jeune gens avec jeune fille pour embaucher. Parce que rite ça me pas croque ca kembel. Malé! Son autre bagaille seulement au moins des saucisses. Parce que la joue quitte l'almanac longtemps. C'est pas tout pour des patils pour prendre mon jeune garçon. Parce que le pas pour vous. Attends, regardez, dis-je non, non. Regardez, mettre bouche dans les oreilles, dit grand monde. Attendez, ça le dit, attendez. Chérie, alors c'est jalousie, ça fait rire. Chérie, combien a-t-il de caoutchouc pompon qui a été usé votre jardin? Tant de questions pour qu'on arrive à poser un grand monde. On va dire ça.